Einstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Guy Ducourtial, qui publie La botanique selon Jean-Jacques Rousseau, chez Belin. Je raffole de la botanique. Cela ne fait qu'empirer tous les jours. Je n'ai plus que du foin dans la tête. Je vais devenir plante moi-même un de ces matins. Vous êtes géographe et botaniste, Guy Ducourtial. D'ailleurs, les deux peuvent faire bon ménage. Pourquoi pas ? Plutôt un homme de terrain ? Oui, tout à fait. L'enseignement n'est pas votre tasse de thé ? Non, j'ai tâté de l'enseignement, mais c'est moins captivant que la géographie de terrain, les enquêtes de terrain auprès des populations. Et d'une façon générale, les enquêtes de géographie. Vos recherches portent plutôt sur l'histoire, vous qui êtes géographe, l'histoire de la botanique. Tout à fait. Et vous êtes l'auteur de plusieurs publications dans des revues spécialisées de botanique et de médecine, et d'un ouvrage important, Flore magique et astrologique de l'Antiquité, un ouvrage que vous avez publié chez Belin, Il y a déjà quelques années maintenant. Mais pas tant que ça. 2003. Alors celui-ci, donc, La botanique selon Jean-Jacques Rousseau, c'est le deuxième ou le second ? Oui, c'est un ouvrage auquel je ne m'attendais pas du tout, en ce sens que c'est le hasard qui m'a motivé. Jean-Louis Debré, alors président de l'Assemblée nationale, avait eu l'idée d'organiser une exposition sur les trésors de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, peu connue, et il avait pensé que c'était en fait une propriété du peuple français. Et donc il a eu cette idée de montrer les ouvrages les plus intéressants, les plus précieux de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et lors de la visite que j'ai faite à cette exposition, mon attention a été attirée par une planche de botanique, on ne se refait pas, d'un ouvrage peu connu du XVIIIe siècle, Regnault, La botanique mise à la portée de tout le monde. Et en marge de cette page qui était exposée sous verre, il y avait une annotation de Jean-Jacques Rousseau. Et cette annotation, je vous la lis, elle n'est pas très longue, qui a tout de suite attiré mon attention. Rousseau écrit « Je me souviens d'avoir mangé à Douvres une omelette où l'on avait mis par mégarde de la ciguë au lieu de cerfeuil. L'omelette était à moitié mangée, quand je m'en aperçus. Ma femme s'arrêta. Je continuai, et nous n'en fûmes incommodés ni l'un ni l'autre. Mais, quoique les vaches, les chevaux, les brebis et les chèvres broutent cette plante, son goût désagréable et cuivreux nous avertit assez qu'elle n'est pas faite pour entrer dans nos aliments. Je me suis posé la question de savoir si Rousseau avait annoté d'autres planches. Donc, l'exposition étant terminée, je me suis mis en rapport avec le conservateur de la bibliothèque qui m'a autorisé à consulter l'ouvrage complet de Regnault. Et là, j'ai découvert que Rousseau avait annoté pratiquement toutes les planches avec un soin particulièrement minutieux, relevant toutes les erreurs, aussi bien dans le texte que dans les gravures. D'où votre idée ? D'où mon idée de les recoller, de les rassembler selon les thèmes que Rousseau avait abordés, et puis finalement de les publier. Donc voilà du pain sur la planche. Si alors j'avais imaginé au départ que ce serait un article, et puis la matière étant tellement abondante, je suis passionné pour Rousseau, botaniste, et j'ai voulu en savoir plus sur la façon et l'époque à laquelle il s'était intéressé à la botanique. Alors, le petit paradoxe de l'histoire, c'est que la bibliographie de Rousseau, on le sait, est considérable, mais les publications consacrées aux botanistes sont plutôt modestes. Très modestes. Il y a beaucoup d'articles, ignore, quand même. On ignore le mais il n'y a pas d'ouvrage d'ensemble. Hein, il n'y a pas d'ouvrage d'ensemble. À tel point, d'ailleurs, que vous êtes venu aujourd'hui au studio avec des livres anciens qui m'ont l'air très précieux, des livres que vous aviez trouvés dans une librairie d'occasion. Oui, une sorte de brocante. À Paris, pour une bouchée de pain, alors qu'il s'agit d'une rareté tout à fait exemplaire. Oui, puisqu'il s'agit de deux ouvrages publiés en 1782. On sait que à la mort de Rousseau en 1778, trois de ses amis, Moultou, Dupérou et le marquis de Girardin, chez lequel il est mort, avaient eu l'idée de publier l'ensemble de ses œuvres. Donc, vers 1780, fin 1780, il y a une première série de 15 volumes, in quarto, qui a été publiée. Ça s'est étalé dans le temps, bien entendu. Et puis une deuxième série à partir de 1782, in octavo, en 33 volumes. Et les petits ouvrages que j'ai récupérés, ce sont des INSES, donc plus maniables, et dans lesquels on trouve les lettres élémentaires sur la botanique, les fragments pour un dictionnaire des termes d'usage en botanique, et puis les lettres à la duchesse de Portland, qui sont des lettres qui concernent l'identification des plantes, ainsi que les lettres au docteur de la Tourette, qui était un médecin botaniste de Lyon, avec lequel Rousseau a correspondu pendant plusieurs années. Mais est-ce qu'on peut dire que la botanique a été la passion de sa vie, ou est-ce qu'il ne s'y est consacré que quelques années sur le tard ? Alors, c'est sur le tard qu'il s'est intéressé à la botanique. Après la publication de l'Émile, il a été condamné par le Parlement. Il s'est enfui avec la complicité du maréchal de Luxembourg. Il a été recueilli en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Là, il avait des amitiés. On lui a offert un logement dans une petite maison à Mottier. Et il s'ennuyait profondément. Bon, il avait le vague à l'âme, il regrettait la vie parisienne, etc. Et il a fait la connaissance de deux médecins qui étaient des passionnés de botanique. Ils l'ont donc initié à la botanique et Rousseau s'est pris au jeu. Et il a voulu en savoir plus. Donc, d'ailleurs, les témoins qui l'ont connu à cette époque disaient qu'il était finalement casse-pied parce que tout était ramené à l'identification des plantes, à leur dénomination, à leurs caractéristiques, etc. Donc ça a été un petit peu le fruit du hasard. Et quand à nouveau il a eu des problèmes avec la population, alors cette fois-ci de Mottier, puisqu'il était en ménage avec Thérèse Levasseur, c'était pas bien vu par les âmes bien pensantes du village. On a même caillassé sa maison. Et donc il s'est enfui, il a trouvé un refuge dans une île, sur un lac qui est au nord du lac de Neuchâtel, l'île Saint-Pierre. Et là, il s'est dit, je suis tranquille, je vais herboriser, en compagnie de son chien d'ailleurs. Et il s'est mis en tête de recenser toutes les plantes, C'est un travail de géographe et de botaniste, en quelque sorte, de toutes les plantes de l'île Saint-Pierre. Et il a commencé très sérieusement. Les gens qui lui rendaient visite s'apercevaient que dans sa chambre, il y avait des monceaux de plantes accumulées qu'il avait mis précieusement de côté. Mais là aussi, il a été obligé de quitter l'île Saint-Pierre et donc il a arrêté son projet de recenser toutes les plantes de l'île Saint-Pierre. Alors, tout savoir sur la botanique selon Jean-Jacques Rousseau, c'est possible aujourd'hui grâce à votre livre, qui est une première en quelque sorte. C'est une première. Car jusqu'à présent, le seul ouvrage un peu synthétique sur la question date de 1885, il a paru en Allemagne et n'a jamais été traduit en français. Il n'a jamais été traduit en français. D'ailleurs, il est assez difficile à trouver. J'ai eu du mal moi-même à pouvoir le consulter. Il y en a un exemplaire à la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et donc, il est en allemand, bien entendu. L'auteur avait eu l'excellente idée de recenser les plantes de l'herbier qui étaient conservées à l'Institut botanique de Berlin, ces planches étant elles aussi annotées par Rousseau. On ne sait pas ce qu'est devenu cet herbier. L'hypothèse la plus couramment admise, c'est qu'il a été détruit lors des bombardements de Berlin, mais je pense qu'il ne faut pas totalement évacué l'hypothèse qu'il ait été récupéré par les soviétiques et qu'il se trouve peut-être dans les sous-sols d'une bibliothèque en Russie. Comment l'avez-vous composé ce livre, La botanique selon Jean-Jacques Rousseau, Guy du Courtial, que vous publiez chez Belin? Il y a deux grandes parties. La première, c'est l'apprentissage de la botanique par Rousseau, à partir des passages les plus significatifs de ses livres, les confessions, les rêveries d'un promeneur solitaire, et ce dialogue étrange, Rousseau juge de Jean-Jacques. Et puis, évidemment, cette correspondance dont vous avez parlé. La seconde partie, c'est l'autre face de la passion. Rousseau se voulait botanophile, herboriste, et sans doute aussi un peu botaniste. Ce sont quelques nuances d'une même question. Alors, effectivement, il était intéressant de suivre l'apprentissage de la botanique par Rousseau. Rousseau écrivait beaucoup. D'ailleurs, ses lettres sont bien conservées dans la mesure où il faisait des brouillons. Alors, des fois, il jetait les brouillons, puis des fois, on a récupéré les brouillons. C'est vrai, d'ailleurs, pour d'autres passages où il traite de la botanique, où on a des brouillons. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, on suit l'évolution de l'apprentissage de Rousseau, qui est d'une part livresque. Et alors là, Rousseau, c'est passionné par les livres anciens, qui coûtaient fort cher d'ailleurs, de botanique, faisant toutefois l'impasse sur les ouvrages qui traitaient de botanique médicale. Il a une aversion pour tout ce qui concerne les plantes médicinales et il ne s'en sera jamais préoccupé. Il ne se sera pas davantage intéressé aux plantes d'ornement, aux plantes cultivées, plantes alimentaires, textiles, tinctoriales, etc., tout ceci, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les plantes qu'il a sous les yeux quand il se promène. Donc, cette première partie de son apprentissage va le ruiner. Il va acheter des livres, il va embêter des libraires. Il trouve que les libraires parisiens sont des voleurs. Donc, il a des correspondants, notamment aux Pays-Bas. quelques-uns aussi en Grande-Bretagne, qui seront des rabatteurs et qui lui proposeront des ouvrages chers et souvent rares, mais qui sont toujours des ouvrages de référence, des ouvrages très sérieux. Et qu'est-ce qu'il cherche dans ces livres ? Et il s'est débarrassé de sa bibliothèque parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il en a ensuite racheté, c'est toute une histoire que l'on peut à peu près retracer à partir de sa correspondance. Correspondance avec ses amis, auxquels il demande de lui procurer des ouvrages, auprès des libraires qu'eux-mêmes peuvent connaître, et puis correspondance auprès des libraires eux-mêmes, que parfois il enguirlande en leur disant « l'ouvrage que vous m'avez envoyé, il est de très mauvaise qualité, il manque des pages, ou c'est pas du tout l'édition que je voulais, c'est une édition plus récente et de meilleure qualité, etc. » Deuxième aspect de l'éducation botanique de Rousseau, ce sont des herborisations et des conseils qu'il va demander aux botanistes plus compétents que lui, plus spécialisés, avec lesquels il correspond. Alors ça peut être un professeur, professeur Gouhan par exemple à Montpellier. Ce sont aussi des botanistes, des médecins botanistes comme de la Tourette à Lyon. Et Rousseau, petit à petit, va même échanger des plantes qu'il n'arrive pas à identifier avec ses botanistes en disant « là, vraiment, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me donner votre opinion ?» Et se noue avec un certain nombre de botanistes des relations, puisque les botanistes eux-mêmes vont consulter Rousseau. Au fur et à mesure que Rousseau va acquérir une compétence reconnue, ils vont eux-mêmes le consulter en disant « qu'est-ce que vous pensez de cette plante que moi j'ai récoltée dans ma région ?» Et Rousseau se fera un plaisir de leur répondre « soit je sais, soit je ne sais pas ». En tout cas, il sait ce qu'il veut, il a une conception très claire de la recherche. Pour lui, elle doit être désintéressée. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il se fâche même quand on veut lui faire des cadeaux d'ouvrages de botanique rares. Il dit je n'en veux pas. Je veux acheter les livres avec mes propres deniers. Et il n'est pas question de rémunération quand je vais vous offrir des herbiers. Toutefois, il a une idée assez bizarroïde dans la deuxième partie de sa vie, de constituer des herbiers de poche, destinés à des gens qui s'intéressent à la botanique sans être des botanistes, et il fait des calculs absolument invraisemblables en disant « je vais faire tant d'herbiers dans un laps de temps déterminé, je vais les vendre tant de louis, ça va me rapporter tant d'argent », et il se met à rêver, non pas d'une fortune, mais d'une rémunération suffisante pour que lui-même puisse continuer à acheter des ouvrages. Ça échouera, bien entendu, il se rend compte que c'est tout à fait impossible, que ça lui demande beaucoup trop de temps, et il abandonnera le projet. Il y a une question qui le passionne, qui n'est pas forcément simple à résoudre, mais là, les livres peuvent l'y aider, c'est celle de la dénomination des plantes. Oui. Les préoccupations d'un botaniste s'articulent autour de trois obligations. La première, décrire les plantes. Rousseau excelle dans la description des plantes. On verra tout à l'heure peut-être que ça l'intéresse tellement de décrire avec précision une plante qu'il aura l'idée de composer un dictionnaire des termes en usage en botanique. La deuxième préoccupation du botaniste, c'est de nommer les plantes. Rousseau va être un admirateur inconditionnel de Linné, Linné qui a publié en 1753 son premier ouvrage de classification des plantes et de dénomination des plantes, et une deuxième édition en 1762 qui sera pour Rousseau l'édition de référence. Donc il n'a pas de problème de dénomination des plantes, c'est Linné. Troisième préoccupation pour un botaniste, classer les plantes. Linné avait proposé une classification qui, finalement, n'a pas été retenue. Et ça n'a pas tellement intéressé Rousseau. Il s'en est tenu au nom de famille couramment utilisé à son époque et il n'a pas retenu la classification de Linné. Alors, s'il admirait Linné, il avait quand même quelques critiques à son endroit. Ce n'était pas un admirateur inconditionnel. Il n'était pas inconditionnel. Il était un petit peu obséquieux. Il lui a écrit. On ne sait pas trop si Linné lui a répondu. Mais de temps en temps, il critique Linné, effectivement, en disant là... D'autant qu'il a aussi dans sa bibliothèque des ouvrages de botanistes qui sont hostiles à Linné à l'époque, notamment à Danson, qui n'était pas du tout d'accord avec les conceptions de Linné. Et on s'aperçoit au détour d'une phrase de Rousseau qu'il a lu les critiques d'Adanson. Il dit « Là, je suis troublé. Peut-être qu'Adanson a raison et que Linné s'est trompé. Mmh. » Donc, il n'est pas un inconditionnel de Linné. Il lit beaucoup. En tout cas, vous nous l'avez dit. Mais le plus important, c'est peut-être ces longues journées qu'il s'accorde à herboriser. Oui, notamment quand il a habité Paris, mais aussi dans ses différentes résidences de province. Même quand il voyage, il descend de la voiture et il va ramasser quelques plantes qui sont dans les fossés ou dans la prairie qui longe la route. Et il est tout content d'en faire part à ses correspondants en disant « J'ai trouvé sur telle route telle plante qui est rarissime et je suis heureux de la mettre dans mon herbier. Ouais, » il fait des comptes rendus de ces expéditions. Mais ce ne sont pas des rapports scientifiques dans son esprit. Jamais. Jamais. Il se contente d'observer et de constituer un herbier qu'il espère le plus riche, le plus complet possible. Néanmoins, il a d'autres préoccupations. Je le disais tout à l'heure, le vocabulaire pour décrire une plante lui semble totalement indigeste et il conçoit très bien que ce vocabulaire très technique rebute ceux qui veulent faire de la botanique. Alors il a l'idée, géniale, puisque à l'époque de Rousseau, il n'y avait pas de dictionnaire de termes de botanique. Il se lance dans la rédaction d'un dictionnaire de botanique qui sera une première, qui sera suivie ensuite, au fil des années, par les spécialistes. Alors, l'identification des plantes qu'il rencontre au cours de ses expéditions dans ces différentes régions ont pour lui une importance primordiale, mais toutes ne peuvent pas être identifiées sur place. Oui, d'où l'intérêt de ces livres, d'une part, et puis aussi de ces visites au Jardin du Roi, c'est-à-dire le Jardin des Plantes actuellement, et aussi au jardin qui a été créé par Louis XV à Trianon, qui est un jardin botanique également. Et même il se laisse dire que celui de Trianon est meilleur que celui du Roi à Paris. Et donc il va nouer des relations avec les botanistes du Jardin du Roi, en particulier avec Jussieu. Il suivra les cours de Jussieu et les herborisations organisées par les professeurs, à l'époque on disait des démonstrateurs de botanique du muséum, notamment aux environs de Paris. On sait que, par exemple, il a herborisé avec Thouin, qui était le chef des cultures au Jardin du Roi à Paris, et on en a des comptes rendus. Mais on sait aussi qu'il a herborisé avec Jussieu. Plus douteux, a-t-il herborisé avec Lamarck qui n'était pas vraiment reconnu comme botaniste au Jardin du Roi jusqu'à ce qu'il produise sa flore française. On a beaucoup fantasmé là-dessus, de savoir s'il avait herborisé avec Lamarck. Il n'y a aucun document, à ma connaissance, qui permette de le dire. Mais donc, il s'était là aussi entouré de gens compétents. Herboriser n'est pas une activité solitaire. Ça dépend. Et il a aussi herborisé tout seul. Et on en a des comptes rendus, notamment dans les rêveries du promeneur solitaire. Il raconte qu'il s'est baladé dans telle commune qui, à l'époque, était assez loin de Paris. Mais c'est un très bon marcheur. Hein. Il a fait Genève-Paris à pied dans sa jeunesse et il a gardé ce goût de la marche et de l'observation en marchant, qui sont évidemment des conditions tout à fait indispensables pour un bon botaniste. Alors, il compose des herbiers. Alors, il compose des herbiers. C'est devenu un dada. Et ces herbiers sont assez importants. On en a un certain nombre qui ont été conservés. Je me suis plus à donner leur composition dans les annexes de mon livre. Oui, il y a des annexes très riches. Des annexes, oui. Certains herbiers sont attribués à Rousseau, mais ils ne sont pas de Rousseau. En particulier, alors ça traîne partout, l'herbier de Rousseau conservé au Muséum d'Histoire naturelle n'est pas de Rousseau. On continue toujours à dire l'herbier de Rousseau. D'ailleurs, je me suis amusé à consulter le manuel Lagarde d'Histoire de la littérature française XVIIe siècle. Il y a une photo de l'herbier de Rousseau conservé au Muséum qui n'est pas de Rousseau. Donc ça, c'est une erreur qui prouve que quand Rousseau botaniste n'est vraiment pas très connu. Est-ce qu'il a des plantes privilégiées qu'il aime particulièrement ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je crois qu'il est fébrile à l'idée de découvrir des plantes nouvelles. Donc, une fois qu'il les a identifiées, mises dans son herbier, il est content et ça lui suffit. Tout de même, à différentes reprises, il a fait part à ses amis de l'intérêt qu'il portait aux mousses. Alors là, et aux lichens. Alors, les mousses et les lichens, il s'est aperçu que herboriser au mois de décembre, c'était vraiment pas chose simple en France et en Île-de-France. Et il a l'idée, il en discute d'ailleurs avec Malesherbes, qui a été son ami, son protecteur, quand Malesherbes était le directeur de la librairie. Et il s'est entretenu avec Malesherbes de l'intérêt que présentait l'étude des mousses. Et là aussi, il s'est pris d'un seul coup d'une passion pour les mousses et les lichens, et il a commencé à composer des moussiers, comme on dit, dont un est conservé à Paris, au musée des arts... Des traditions populaires. Non, des arts décoratifs. Ah bon. Ça se présente comment, un moussier ? Ce sont des petits feuillets scotchés. Enfin, il n'y avait pas de scotch à l'époque, mais enfin, il y a des petits rubans avec de la colle qui permettent de maintenir, qui sont conservés en bon état, avec des annotations de Rousseau. Et j'ai publié le catalogue de ce moussier dans les annexes de mon livre. Et on voit que Rousseau était méticuleux, et quand il avait l'honnêteté de reconnaître quand il n'était pas capable d'identifier une mousse, il mettait en marge « à voir ». Dans la deuxième partie de votre livre, Guy du Courtial, vous faites une espèce de querelle de mots, hein, puisque vous proposez plusieurs définitions. Botanophile, herboriste, botaniste, pour désigner ceux qui, comme vous, et comme Rousseau, porte un certain intérêt aux plantes. Oui, alors Rousseau a hésité à se qualifier. Il parle tantôt qu'il est botanophile, ce qui est évident, puisqu'il aime les plantes, donc ça va de soi, en quelque sorte. Ensuite, il parle d'être herboriste. Quand il signe des lettres, notamment à la duchesse de Portland, il dit « votre herboriste ». Mais herboriste, quand on consulte les dictionnaires de l'époque, c'était vraiment des marchands de plantes médicinales, ce que Rousseau n'est pas, puisqu'il déteste l'étude des plantes médicinales et tous les livres qui concernent ce genre de végétaux. Et pourtant, il semble avoir voulu se considérer comme herboriste. Oui, il le pense, et quand il s'entretient avec un des botanistes du Jardin du Roi, un des amis de Buffon, le docteur Daubenton, qui était comme Buffon natif de Montbard. Daubenton lui pose quelques cols, Rousseau sèche, et Daubenton dit « Bon, finalement, vous devez encore travailler un peu pour être à la hauteur. » Et Rousseau a été vexé. Et botaniste, alors, il n'a jamais donné véritablement de définition. Non, il ne s'est pas appesanti là-dessus, il s'est contenté d'étudier sans savoir si véritablement il était botaniste ou pas botaniste. Et pour Par vous... contre, les contemporains ont considéré qu'il était un botaniste, parce qu'il connaissait vraiment très bien les plantes qu'il avait étudiées, on ne peut pas le renier. Et ça semble être le choix que vous faites vous-même, puisque votre livre s'intitule « La botanique selon Jean-Jacques Rousseau ». Alors, tout à l'heure, on a parlé de son admiration pour Linné. Il y a un autre grand savant dont il a été très proche, c'est Lamarck. C'est la marque. La marque, je vous le disais tout à l'heure, on ne sait pas très bien s'ils sont beaucoup fréquentés. On sait que Rousseau a visité les jardins de Buffon à Montbard en compagnie de Daubenton. On sait même, il y a encore une plaque devant le cabinet de travail de Buffon à Montbard où on rappelle que Rousseau s'est mis à genoux devant ce cabinet de travail. C'est un petit bâtiment qui est isolé dans le parc du château de Montbard. Lamarck, on ne sait pas trop. Lamarck lui a rendu justice dans son dictionnaire de botanique en reconnaissant que Rousseau avait montré la voie dans ce genre de recherche. Mais on n'a pas de traces de correspondance entre Lamarck et Rousseau. On ne sait pas du tout quelles ont été leurs relations au Jardin du Roi, puisque Lamarck, finalement, a passé l'essentiel de son activité au Jardin du Roi en tant que botaniste. Mmh. Même s'il a été démonstrateur dans un autre domaine des sciences naturelles, celui des invertébrés, mais ça n'intéressait pas du tout Rousseau. Ouais. Alors j'imagine que lorsque Rousseau s'est installé à Paris, les difficultés ont commencé pour lui, parce que le terrain, là, était plus difficile à trouver pour continuer son étude de la botanique, oui. Même si sa passion a perduré. Mais il marchait beaucoup, donc il n'hésitait pas à aller à Ménilmontant, à aller à Meudon, à aller au Mont-Valérien. Donc il se déplaçait beaucoup. Et même, il le raconte dans ses rêveries du promeneur solitaire, en revenant justement d'une herborisation, il a été renversé par un chien dans une des rues de Paris et il a été transporté chez lui, sanglant, etc. Ce qui tend bien à montrer qu'il herborisait des fois en compagnie, puisque avec les cours de Jussieu, ils allaient herboriser ensemble, mais tout seul, et il rapportait des plantes dans son petit logement de la rue Plâtrière, qui est aujourd'hui la rue Jean-Jacques Rousseau. Et il continue de confectionner ses herbiers. Ah, toujours, oui. Jusqu'à la fin de sa vie, on n'en a pas trouvé trace directement chez lui. Alors les références à la botanique sont dispersées dans l'œuvre de Rousseau, dans ses principaux ouvrages, où vous savez les trouver. L'ouvrage le plus synthétique n'en est pas un, finalement. Ce sont ses lettres, ces fameuses lettres sur la botanique. Qui sont une merveille dans la mesure où on dispose à peu près la totalité de sa correspondance qui, 50 et quelques volumes réunis par legs, qui sont vraiment la source à laquelle il faut aller puiser pour retracer l'histoire de Rousseau, non seulement dans le domaine des sciences naturelles, mais aussi plus largement de sa vie. Et peut-être pour y trouver une méthode originale d'enseignement de la botanique. Alors, tout à fait. Tout à fait, ce sont ces lettres destinées... Rousseau s'est beaucoup amusé à une petite fille qui a 3 ans, qu'il appelle la future botaniste, botanophile. Et il lui écrit un certain nombre de lettres pour la guider dans l'étude des plantes. Ces lettres sont une merveille de précision et de qualité d'enseignement rarement égalée. On pourrait la rapprocher, il y a Fabre, l'entomologiste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La plante » destiné à l'éducation de son fils sur la botanique. C'est, à mon sens, le deuxième ouvrage à portée, lecture facile, à portée de tout le monde pour apprendre la botanique. Mais les lettres de Rousseau sont vraiment des modèles du genre. Et on voit bien la progression de l'enseignement, en partant du plus simple pour aller vers le plus complexe, en partant des plantes les plus faciles à identifier pour aller vers celles qui sont les plus difficiles. Et bien entendu, il y a une lettre entière qui est consacrée aux herbiers, sur la technique de composition des herbiers. Parce qu'il y a des principes comme ça qu'on peut retenir et qui constituent une sorte de discours de la méthode. Mais c'est écrit dans un français, bien entendu, excellent, et à la portée de tout le monde. C'est à la différence de beaucoup de livres de botanistes qui sont rebutants parce qu'il y a tout un charabia technique que la personne qui veut s'initier abandonne au bout de quelques pages. Rousseau s'est mis à la portée de quelqu'un qui voulait s'intéresser aux plantes, peut-être pas devenir une grande botaniste, mais au moins... pouvoir reconnaître les plantes dans la nature sans trop de difficultés. Et la marque, on parlait de lui tout à l'heure, approuvait cette méthode d'enseignement. Tout à fait, ça correspondait, et la marque a écrit après la mort de Rousseau, mais ça correspondait bien aux directives de Rousseau pour apprendre la botanique. L'autre grand livre, c'est celui auquel vous avez fait allusion à plusieurs reprises dans cette émission, Le dictionnaire de botanique, les premiers éléments, fragments pour le dictionnaire. Oui, de les achever. Alors, il y a deux démarches. Il y a une première démarche qui est de prendre les mots utilisés en botanique en français. C'est l'objet de ce dictionnaire des termes d'usage en botanique. Et puis, il y a une deuxième démarche qui est moins connue. Rousseau, comme je le disais tout à l'heure, a acheté beaucoup de livres de botanique, dont beaucoup étaient rédigés en latin. En latin, Rousseau n'est pas embarrassé, il a appris le latin tout seul. Il était relativement bon, puisqu'il a publié une traduction. Oh, il dit, elle n'est pas très bonne, vous excuserez, un vieil étudiant, etc. N'empêche, il a traduit le premier tome des histoires de Tacite en entier, dans un français irréprochable, et c'est une traduction qui est tout à fait convenable. Donc Rousseau maîtrisait bien le latin, et comme une grande partie des ouvrages qu'il avait achetés étaient rédigés en latin, Rousseau s'est mis en tête de recopier tous les noms qui lui tombaient sous l'œil, les mots latins, et de les consigner sur des feuilles de papier. Bon, ces feuilles de papier sont conservées à la bibliothèque universitaire de Neuchâtel, j'en ai eu des copies, et donc on peut voir dans cette démarche de Rousseau, est-ce qu'il aurait été jusqu'au bout, je n'en sais rien, de faire un dictionnaire ou une sorte de lexique des termes latins utilisés en botanique. Le livre de Guy Ducourtial, La botanique selon Jean-Jacques Rousseau, est publié chez Belin. Du jour au lendemain, Étienne Diop, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.